c'est même pas une chanson triste. Max Mendoza, Mendoza, une chanson triste. Avant de mettre bien, assure-toi de mettre bien les tiens. Allô médecin, je me sens seul comme un maître chien. Quand je rappe, moi je suis à donf, donc je simule pas. Et toi, hein, qu'est-ce que tu veux que je taffe? Ah, tu me gonfles avec tes 6000 balles. Leur bague de mes deux, je l'ai eu pour ma mère. Elle était fière de moi, putain vieux. T'aurais vu ses yeux, mais ses armes. J'ai appris trop tard, car à l'école j'ai pas trouvé ma branche. Y'a trop d'arbres, les études c'est pas bidon. Mais j'ai fait un bide, dis donc. Heureusement, dans le rap, petit con, t'as un petit don. Et je suis pas bon dans le gangstérisme, tu sais, et même moi. Pour braquer les banques, c'est risqué. Depuis que j'ai appris à compter, moi refrais, je compte sur personne. Donc touche pas à mon bonheur, non, c'est ma conso perso. Les bons et mauvais jours s'alternent. J'ai pas le terme exact, mais à long terme, mes rêves finissent dans un charter. Rester digne, c'est ça le combat. Man, je t'ai dit, à chaque fois que c'est dur, ça veut dire que le diable fait sale comble. Je suis un des seuls qui avait pas de cash. Dans mon coin, il pleuvait des parpaings. Et j'étais un des seuls qui avait pas de casque. Donc je doute et je redoute les bonnes nouvelles. Après tout, pour les coups de pute, chaque jour, ces jours, les portes ouvertes. J'suis chauve, ne cherche pas des poux, frappe, j'm'en bats les couilles. Ils ont essayé, demande-leur, j'en bats les couilles. On se connaît pas, qu'importe, d'où mon cœur. Me ferme pas ta porte pour l'heure, j'fais en sorte de faire mon beurre, juste mon beurre. J'ai eu un gros chèque, mais j'ai pas lu l'Astérix. C'est facile de rester pauvre, mais que c'est dur de rester riche. J'traque le bonheur où qu'il aille. Le daron voulait pas qu'on ait la même vie qu'il a eu. Tu me diras, ça ira, on se battra comme l'Ira. En Irlande, miracle, même pauvre, y'a pas de larmes sur nos guirlandes. T'oublieras pas de leur dire que j'suis mort, les poings serrés. Tu veux me faire du tort autant tordre le cou d'une girafe. Je respire avant que les piles s'usent. Les petits jurent qu'ils restent libres. Moi je les estime malgré ce que dit le juge. Je suis un des seuls qu'ont jamais vu le juge. On sait jamais mais que le rap soit béni. Comme cette nuit où j'ai vu le jour. Pourquoi ce putain de bonheur est discret? Y'a pas de casseur de vie, ça existe pas. Y'a que des mecs qui veulent exister. Et dans ce match, non, y'a pas de mi-temps. Je comprends rien. Comme si Vandamme parlait avec le gitan dans Snatch. Leurs sucettes, ils vont les lécher. Ils ont pris la fiance con. Ils vont voir la France qu'on va leur laisser. Notre con, blague pas. Prononce bien notre nom, pauvre con. Tu savais pas qu'il faut un lion pour tuer un autre lion. À qui je m'en prends, au coupable, au frérot. Fais pas semblant, chant, bien que tu m'entends. Mais t'écoutes pas, chacun son rang. J'aspire à ce que les têtes tombent, eux, c'est des has-beens. Moi j'ai du sang royal sur ma chemise. Mon Dieu vite, regarde ce qu'ils font. Mon Dieu, regarde dans quel monde je vis. Marilyn Manson, featuring Bon Jovi. Moi je me livre, tu vois, c'est pas énorme. Toi, pleure un bon coup, oh, un homme qui pleure pas. C'est pas un homme, on se fout de tout. Et le cœur meurt, plus de pouf, dites-vous. Beaucoup ont pris trop de coups, comme Tina Turner. Tu veux me connaître mieux, vieux? Écoute mon disque, je marche toujours une main sur le cœur, l'autre qui porte mon fils. Avant, je voyais rien comme Daredevil. Mais on m'a trahi maintenant, je vois tout ce qui se passe comme un laveur de vitre. Ça va trop vite, trop vite. Mais le frein à main, je t'explique, je suis trop speed. J'ai même pas foutu de refrain, man. Je suis mal barré, barré, je suis enragé, taré, cerné. Je suis mal rasé comme les ingés. La chance, je sais pas, elle passe par où. Et je t'avoue que ça me tourmente. J'ai jamais fait tournante, je fais tourner que la roue. La rue, y a deux cas. Ceux qui y vivent, ceux qui en parlent, je l'ai quitté, mais mon esprit habite à deux pas. Ici-bas, rien n'est gratuit, à part la mort, fils. Pourquoi tes larmes glissent, frérot? C'est même pas une chanson triste.